c'est simple. C'est soit tu suces les bites, soit tu les suces pas. Ah. Ouais, ouais, ouais, il est connu, mais moi aussi, je suis connu. Et vous êtes... Ah. GLK. J'ai fait un cauchemar, j'en avais qu'un million. Putain de merde, c'est minimum deux. La poterie farle vient d'ouvrir le feu. Préparez les billets pour les baveux. Vrai de vrai, à 100%. Donc je le dis en pleine gueule, moi je suis pas ton sang. On a sorti ton blast, fais pas l'innocent. Nous nous unissons, tu finis sous le drap blanc. Des hectares de blé. Je fais pas le kékro mon plan. Trop longtemps que je l'attends. Il me reste 2 grammes de coke pour toi et deux potes. Même si tu prends pas, je rentre en BNF. Ils sont super sympas dans leur quartier. Ailleurs, ils vont faire les méchants, les mecs ZF. 2,5 F. Sur l'allée, j'ai croisé les motards, j'ai calé. Tu repartis, devant eux. Je sais pas si t'as capté. C'est léger, c'est le G, c'est la rue, c'est réel, c'est technique, c'est réel. C'est réel qui il est. T'attends devant chez Wap. Qu'ai-je donc à faire de plus raisonnable avant que ce mec ne pointe son flingue encore une fois? Dans le bigo, des glycos, appel anonymo comico. 357 gala, usi scorpion, ça dévoile comme un mérico. J'ai le fac, le bus, tu te refais descendre au bus. Ça sort la puce, fais des passes, t'oses bomber le torse. T'as de l'audace, filoché par les barres, donc on annule le gaz. Quand tu serres la main, fais pas trop nerveux. N'oublie surtout pas que tu deviens vieux. Ton place a tourné dans trop de cerveau. Un jour tu te feras éclater la cervelle, bah. Et j'ai LK, ils suivent personne, je suis pas comme toi. Jamais, jamais. T'en as un RS3, j'arrache la route, je reviens de me. J'ai des problèmes, t'es pas là, casse-toi, bon débat, compte dans les parages. Normal qu'on est pas. Mensonge dans tes paroles, c'est tout pour la down, high school t'es pas taille. Voilà, t'es un mort. Ils font les pas blossés des choux. Je mets ma tête par la fenêtre, y'a une chasse. En direct, c'est banal, c'est 9-3, trima. C'est ça le jeu, mec. Eh ouais, c'est ça le jeu.